Musical homicide. Musical homicide. 9-1-7-7-9-4. Paris banlieue sud. Yeah. Ok, demande à SK ouais. de t'expliquer ce qu'est la partie de main. Y'a pas de secret, Ray, le bonheur est à portée de main. C'est pour Créteil Louise au canal plus 3D MMM. Vu qu'on abuse du cannabis, canal plus le MMM. On n'est pas de piste propre, sauf quand c'est ma mère qui me l'a fait. Y'en a qui se trompent pour le papier, gros vagueux. Et ouais, mon gros gros, arrête de te prendre pour l'américain. Alors qu'en boîte, toi, tu t'es pas sur l'Amérique. Titine, ou le dos, stress dans les platines. 1, 2, 3, ferme ta gueule, tu pars à Titine. C'est ridicule, nul, par le sourire, tu sens scrupule. Découvert, ça cumule de la banque jusqu'à la raie du cul. Y'a un casse cou en poudre pour Kétia, une belette, une carotte, un balle de bourdouma, une pilou. C'est grave, grave, hey, y'a pas d'état comme la vie, grave, grave. On te l'a fait à l'envers, comme un gros trap. Homicide volontaire, foncé l'atmosphère. Hey, KR, sur cette putain de terre. Père, vise le micro, fais péter l'accro. Je sais que t'es bien accro, donc je suis pas le macro. T'admire le bon styliste. Je laisse Kamikaze et Skyzer Tony. Rien que des garçons scrupules comme le gros PDM. Excuse-moi, je n'ai que si mon gros son que t'écoutes et fais le rêve. Rien comme un cap qui grille en œuf. Mais quand je vois le départ, je crains l'avenir grave comme un guillotin. Griffé par l'histoire, les négros en caisse. Trop de sacrifices qu'on parle les stats. Dis-moi quel peuple s'en sort plus à part l'esthète. Contre l'armistice, c'est ton diadète. Des nations esclaves, de dollars mystiques. Alors que d'autres vivent de rien, leur de rien. Des larmes skin fatale, comme cette génération qui mise tout dans la musique. Mes boucs, des boucs émissaires, voir la vogue, la misère. Faut te souhaiter en sortir, une isolière. Mais pour pas que t'aboies, tu restes rien, j't'ai ouais. Je n'ai rien à battre, tôt tard battre, reste à rien à battre. C'est vrai, on vit dans un monde haï par l'amour. 17-7-9-4 apprécie les missiles. C'est Tony Skyzer pour micro-missile. Est-ce qu'un mis sans scrupule, V2M, nom de code. Le Davis Cana ainsi que le Bisprod. 17-7-9-4 apprécie les missiles. C'est Tony Skyzer pour micro-missile. Est-ce qu'un mis sans scrupule, V2M, nom de code. Le Davis Cana ainsi que le Bisprod. Précise sur le beat comme du shit qu'on coupe à l'acier. Prise dans la vie comme de face avec un policier. Apprécie le feat de prestige sur compilation. On veut plein de mailles pour pouvoir équiper les siens. Car avec cette vue de vie, on peut pas dire qu'on est intime. Vu qu'on est anti, on tease pour s'anéantir. Et combien d'années en tout partent comme coup de cantoum. Écoute Catin, c'est l'hécatombe. Les gamins tombent à coups de couteau. Et que tu le veilles ou pas, un jour on sera VIP. OP pour une vie UP. Les pères, tel un vieil hippie. Si l'état quittait le réseau de la vie, y'aurait moins de chiens en ligne. Fini de chialer, on serait tous droits. Tel un moins de Shaolin. Ce monde m'inonde de mode immonde. Le démon me demande de dead des mômes. Évidemment, je dis non, je m'adonne à la donne. Anodin sur le rythme, je suis digne et indigne. Aïe.